foudroyant des civils, d'emprisonnement arbitraire. Dites-moi, pensez-vous que je devrais me taire? Je suis censé vivre dans une démocratie, pourtant j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Tout est basé sur des faits, mais je crains quand même l'orage. J'écris avec le cœur, la raison et le courage. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion. Une illusion. Une illusion. Rose. Rose, on fait colbi. Sur 2 à 21 heures et aussi sur radiorageuse.net. Comme un ouragan. Bonsoir. Bonsoir. On ne l'est pas. Bonsoir. Une après l'autre. Une après l'autre. C'est important. Et bah, bienvenue, bienvenue à notre émission de rentrée de Comme un ouragan. Parce que nous, on l'a fait le 21 novembre, notre émission de rentrée. Ouais, c'est comme ça, non? Les rentrées, c'est en novembre. Ouais, normal. Toujours. Et toujours le 21 novembre. En tout cas, bah, on est vraiment très, très. Bah que c'est vraiment super de reprendre comme un ouragan après une petite pause de quelques temps puisque notre dernière émission elle était en direct il y a un petit bout de temps mais qu'il y a eu pas mal de rediffs de camarades qui ont été faits quand même sur notre créneau pour vous dire que on est très motivés à continuer à faire cette émission, qu'on a quand même changé un petit peu le rythme et qu'on va passer à une émission toutes les 4 semaines, en alternance des fois avec la France Pu et des fois avec notre camarade d'élite de salive. Voilà. Et qu'il faut qu'on se, d'ailleurs qu'on se coordonne bien sûr tout cet agenda d'enchaînement de créneaux. Et qu'on est aussi super contente d'accueillir pour rejoindre notre crew. Deux nouvelles camarades qui finalement ont fait notre dernière émission en direct et puis vu que c'était super bien passé et bah on est parti pour faire l'aventure comme un ouragan ensemble. Alors bienvenue à vous deux et si vous avez envie de dire un petit mot, go. Ben merci de nous accueillir, c'est trop chouette. Ouais. Youhou. Voilà mon petit mot. Bon, vous allez dire encore plein de mots pendant plein l'émission de trucs, alors. Est-ce que parce que voilà, cette émission, on va parler de soutien à la Palestine, ou bon, plein des choses autour de la Palestine. Parce que c'était, bah, on avait Je pense le moment où on a commencé à discuter en septembre de comment reprendre notre créneau, on s'est vraiment mis d'accord que nous, on voulait faire une émission de lutte. Et après, il y a eu le mois d'octobre. Et du coup, ça nous paraissait vraiment très important de causer de soutien à la Palestine et de tout le climat hyper raciste et islamophobe en France en ce moment. Du coup, c'est un peu ça qu'on va dérouler pendant une heure ensemble, avec des petits bouts de micro-trottoirs qui auront été faits pendant les manifs à Saint-Étienne en soutien à la Palestine, des bouts de discussion et d'analyse, et évidemment de la musique trop cool à écouter. Et pour commencer, du coup, c'est notre nouvelle camarade qui a écrit le texte d'intro, voilà, pour présenter cette émission et pourquoi on a envie de... Voilà. Je ne vais pas jouer le jeu des médias, ni celui des gouvernements. Oui, on va commencer par une date, mais pas celle du 7 octobre. Ici, on aime faire les choses bien. Alors on va revenir à la base de la colonisation de la Palestine, en 1948. La Nakba, le désastre, la catastrophe. Plus de 700 000 Palestiniens tombent sous le contrôle d'Israël, avec l'aval de tous les pays colonisateurs. On chasse les Palestiniens de leurs maisons, on leur vole leurs terres. Depuis, chaque jour, Israël gratte un peu de terrain. Chaque jour, Israël s'approprie la culture palestinienne. Chaque jour, les Palestiniens sont humiliés, frappés, tués par leurs oppresseurs. Le 7 octobre n'est pas arrivé sans raison. C'est pas une attaque contre la liberté des Israéliens de faire la fête, de vivre et d'exister. Non. C'est la réponse d'une violence que les Palestiniens connaissent depuis toujours. Je refuse de discuter de s'il faut condamner les actes du Hamas ou non. Pour plusieurs raisons. Premièrement, comment peut-on se permettre ici de juger de ce qui est juste de faire ou non quand on ne vit pas le quotidien horrible des Palestiniens ? Qui sommes-nous pour juger l'action des Gazaouis, alors même que l'on peut entrer et sortir de chez nous comme on le veut, que nous ne sommes pas contrôlés chaque jour pour aller au travail et qu'on ne craint pas d'être bombardé régulièrement par l'armée israélienne. Un Gazaoui âgé de 18 ans a connu plus de bombardements que je n'ai de doigts. Comment peut-on croire que l'on peut comprendre leur colère, la violence qui en émane et même la juger ? Deuxièmement, est-ce qu'on demande qui condamne Israël quand les lieux de culte des Palestiniens sont attaqués ou quand les civils sont tués chaque jour ? Depuis 2023, plus de 200 Palestiniens ont déjà perdu la vie avant ce fameux 7 octobre. Ici, une vie vaut une vie. Je ne veux pas de compassion à géographie variable. La vie d'un Palestinien vaut bien celle d'un Israélien. On n'oublie pas les résistants palestiniens rencontrés lors des conférences qui nous racontent et pleurent la mort de leur famille, de leurs amis et de leurs camarades. On n'oublie pas les artistes palestiniens qu'Israël silencie en les empêchant de diffuser leur art ou de se déplacer dans le monde pour le partager. On n'oublie pas la fierté et l'émotion ressentie en nous partageant leur culture que l'occupant essaye de faire taire quand ils arrivent à venir en France et qu'ils trouvent où se produire. Et on n'oublie pas non plus les footballeurs, les cyclistes ou les différents athlètes palestiniens amputés par Israël. Depuis le 7 octobre, c'est plus de 11 000 maintenant, Palestiniens morts à Gaza, des hôpitaux bombardés, des écoles touchées, des enfants, des femmes et des familles en deuil. Les Palestiniens sont chassés partout, contrôlés partout, humiliés partout. Les Cisjordaniens, eux aussi, vivent sous les jougs de l'État colon. Mineurs ou majeurs sont placés sans motif pendant des mois, interrogés pendant des heures avec ou sans violence physique, mais toujours avec la violence raciste des colons. Salah Hamouri, franco-palestinien, raconte dans son livre qu'il a été emprisonné à l'âge de 16 ans et que les interrogations duraient parfois plus de 18 heures. La Palestine partout se soulève, les manifestations partout fleurissent. Dans le monde entier, on voit des foules sortir dans la rue soutenir la lutte du peuple palestinien et demander un cessez-le-feu, pendant qu'en France, les préfets interdisent nos rassemblements, violentent les manifestants et, comme toujours, répriment notre liberté d'expression. Honte aux partis politiques et différents orgas de droite, mais encore plus de gauche, de ne pas avoir été à la hauteur pour dénoncer le génocide des Gazaouis durant ce mois d'octobre. Mais aussi à celles qui ferment les yeux le reste de l'année face aux crimes perpétrés par les colons israéliens. Jusqu'à ce que le peuple palestinien retrouve sa liberté, on ne cessera de le répéter. Vive la lutte du peuple palestinien. Sans justice, il n'y aura jamais de paix. Palestine! فلسطيني أنا اللي اسمي يكفيني أنا الصامت على أرضي ورافع للسما جبيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا اللي اسمي يكفيني أنا الصامت على أرضي ورافع للسما جبيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني ويا نيالي عزيز وراسي بالعالي وحب بلادي طوالي بدمي وبشراييني فلسطين ولهو Katan, Falestini. Ok. Oui, pardon. Je ne donne pas plus d'infos. Ok, alors je vais introduire un peu nos micro-trottoirs qu'on a fait, même si ça date déjà un peu. Là, je crois que c'était avant 3 semaines, le 4 novembre, là, une des samedis quand il y avait la grosse mobilisation pour rassemblement et manif en soutien de la Palestine. Et on a eu envie d'interviewer un peu des gens différents pour savoir déjà pourquoi ils sont là, mais aussi qu'est-ce qu'ils pensent du... Comme à ce moment, c'était interdit aussi, qu'est-ce qu'ils pensent de cette interdiction contre l'action de soutien et la solidarité avec la Palestine de l'État français. Après, par exemple, en Allemagne aussi, c'était interdit, les manifs. Je ne sais même pas comment c'est maintenant. Bon, ça, c'était une des questions. Et aussi de savoir qu'est-ce qui fait tenir les gens de venir quand même aux manifs ou pourquoi ils trouvent ça important. Et voilà, on a fait... Il y a 4 petits micro-trottoirs avec un peu de... On a coupé des petits slogans avant et après quand on va alors entendre pas mal les slogans qu'on entend à ce moment à Sainte pendant les manifs pour la Palestine. Alors, vas-y, go! État d'Israël, État criminel. État d'Israël, État criminel. Anti, anti-colonialisme. Anti, anti-colonialisme. Anti, anti-colonialisme. Anti, anti-colonialisme. Les Gazans, enfants de Palestine, c'est ça te fait, les répressions, les interdictions des actions du soutien et la solidarité avec la Palestine du côté de l'État français? Et est-ce que tu les mets en lien avec une montée du fascisme en général? En fait, les interdictions de manifestations ou de drapeaux palestiniens en France, elles me font penser que c'est encore plus important que les gens ne pourraient le croire qu'on continue à manifester. Parce que si nos manifestations, elles n'étaient pas importantes, si notre solidarité, elle n'était pas importante pour le gouvernement, nos manifestations, elles ne seraient pas interdites. Donc il faut qu'on continue à sortir pour dire qu'on se désolidarise de Macron, de sa politique génocidaire, et qu'on apporte un soutien au peuple palestinien. Les gens à Gaza, ils se sentent abandonnés, ils pensent qu'ils sont seuls et qu'Israël a plein d'alliés. Nous, on est dans la rue pour leur dire non. En fait, Israël a des alliés qui sont des gouvernements et les peuples sont avec vous. En soi, moi, ça ne m'a pas étonné qu'on interdise. Il me semble qu'on est l'un des seuls pays, peut-être avec l'Allemagne au début, qui avait aussi interdit les manifestations. C'est pas étonnant vu la prise de position de l'État français avec Israël et ce depuis pas mal d'années maintenant. La politique coloniale et génocidaire qui se passe en Palestine a été exactement la même que la France a fait dans plein de pays d'Afrique. Et quand la France interdit les manifestations et cible souvent aussi les Maghrébins, les Arabes, les musulmans, en gros, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand ils soutiennent Israël, qu'ils soutiennent un génocide des Arabes en Palestine, indirectement, ils parlent aussi de nous en France. À Gaza et en Cisjordanie, fin de l'occupation, fin des tueries. Déteste la parfait. Le mot déteste la parfait. Et voilà, et ben ça fait voilà, comme ça permet pour les camarades qui nous écoutent ou qui vont nous écouter d'avoir une petite idée de l'ambiance sonore aussi dans les rues de Saint-Étienne. Et pour savoir un peu les manifs à Saint-Étienne, ça se passe là, il y a un appel à manifester depuis plusieurs semaines tous les samedis à 11h. C'est des manifs où il y a quand même vraiment beaucoup de monde. Et avant ces manifs-là, il y a quand même eu dès le début aussi des manifs, des rassemblements spontanés dans les rues à Saint-Étienne. C'est pas vraiment spontané. Il y a eu un rassemblement. Le premier rassemblement à Saint-Étienne s'était fait le jeudi après le 7 octobre. Et c'était le premier rassemblement qui avait été interdit par la préfecture. Donc on avait muté vers la Bourse du Travail, puis de base c'était à Place du Peuple. Et on a fait une manif un peu sauvage, mais très très très calme, pas de casse, pas de truc. Les gens qui chantent, vraiment les gens avaient besoin d'être ensemble, on avait besoin de voir qu'on n'était pas seul à souffrir. Même si on souffre pas vraiment, parce que c'est pas nous qui subissons vraiment les bombardements, mais de voir les images, de voir les corps, de voir tout ça là, non-stop depuis le 7 octobre, genre, c'est inédit ce qui se passe, c'est horrible. Et du coup, on avait besoin de se retrouver tous ensemble et chanter. Ça permet aussi de faire communion. C'est la première fois que je fais une manif où qu'il y a des slogans qui chantent. En fait, c'est même plus le mec qui a le mégaphone, le mec ou la meuf, bref, qui a la mégaphone qui gère le truc. C'est la foule qui fait en sorte que le slogan soit scandé. Et du coup, c'était super comme cohésion et comme sentiment. Je trouve que ça fait vraiment aussi des manifs où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de slogans. Je veux dire, il n'y a pas une minute de calme, quoi. Ça s'enchaîne avec des slogans. Après, que je trouve aussi que ça donne quand même un peu du rage et des forces. Mais... Oui, moi, je suis assez d'accord avec le fait que ces rassemblements, au début, et enfin même maintenant, c'est aussi pour se rendre compte qu'on n'est pas seul à penser comme ça. Et aussi pour se rendre compte qu'en fait... Les médias et la propagande pro-Israël est tellement importante dans le pays qu'en fait, moi, il y a un moment où si je reste chez moi et que je vois que les infos qui tournent, ben, j'ai vraiment l'impression que le monde est fou, quoi. Mmh. C'est vraiment une information qu'on a facile d'accès, que Israël bombarde les Palestiniens, que c'est pas normal, que c'est un génocide, etc. que j'ai vraiment du mal à comprendre. Enfin, j'ai pas vraiment du mal à comprendre, c'est à cause du racisme et tout, mais c'est vrai qu'on devient vite fou quand, si on reste chez nous, à voir la version qu'on nous sort dans les médias, quoi. Ouais, et puis moi j'ai bien aimé, comme dit la camarade au début dans le micro-trottoir, je trouve effectivement que c'est des moments qui donnent de la force de ne pas se sentir tout seul, et aussi de dire, et puis c'est d'autant plus important d'y aller, parce que si ça ne sert à rien ce qu'on fait, ça ne serait pas interdit, du coup. Enfin, je trouvais que c'était une manière de réfléchir à l'interdiction qui, quelque part, donne de la force aussi. Enfin, je ne sais pas trop comment dire, enfin, pas de la force, mais oui. Après, avec la magie des réseaux sociaux, on va dire que maintenant, les images, elles tournent dans le monde entier. Genre, tu fais une vidéo à Saint-Thé, tu vas la retrouver en boucle sur TikTok, qui va se retrouver aux États-Unis, qui va se retrouver en Palestine. Là, tu vois ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. Il y a des manifs au Texas, il y a des manifs dans des États où tu te dirais what. Tu vois, il y a des aborigènes, il y a des natifs américains qui se mettent à faire des manifs pour la Palestine, et ça, des images, c'est incroyable ce qui se passe aussi au niveau des manifs mondiales. T'as des AK en Nouvelle-Zélande, c'est magique, et en même temps c'est terrible, parce que tu te dis qu'il a fallu ça pour qu'il y ait une sorte de sursaut des pseudo, on va dire entre guillemets, indigènes, en fait, parce que nous tous qui avons subi, je parle en tant que petite fille de personne qui a été colonisée, qui a subi la colonisation, tout ça, nous, on a des traumas, de traumas générationnels. Et ça, en fait, ce qu'ils sont en train de vivre, on le voit, on voit nos aïeux, on voit nos grands-parents, on voit tout plein de choses, en fait. On est en train de voir notre histoire, mais c'est comme si on est en train de voir notre histoire en réel, et c'est horrible, en fait, de se dire mais mes grands-parents, ils ont vécu ça, mais en fait, et de se dire que nous, on est là et on peut leur donner de la force et on peut parler pour eux, parce que on n'est plus silencieux comme dans les années, enfin dans le 20e siècle. Ça y est, on est là et on va parler, et on va montrer qu'on est solidaire. Ouais, et puis enfin, je trouve ça super fort ce que tu dis aussi sur tout système de résistance en résonance partout dans le monde, quoi, aussi, quoi. Et tu te dis, là, c'est un moment où ça fait effectivement tout ce que tu as cité, là. C'est ça, mais quand tu écoutes, par exemple, moi, j'ai vu beaucoup, ça se passe sur TikTok maintenant, vraiment, la Gen Z, elle gère. elle nous montre des choses que nous, militants de Palestine, depuis 10 ans, on était en train de bloquer. Quand tu vois les appels à boycott de McDo, quand tu vois les appels à boycott de Starbucks, qu'il y a la chute en bourse, que... Enfin, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de messages qui se passent. Et ça fait une cohésion dans le monde entier, en fait. Dans le monde entier, que ça soit en Corée du Sud, que ça soit en Afrique du Sud. Enfin, vraiment, tout le monde entier, c'est incroyable. Et en même temps aussi, ça fait montrer aussi tous les biais racistes qui sont encore ancrés en France. Tu vois vraiment que quand il y a eu le 7 octobre, moi, je sais que quand je parlais avec des personnes, c'était tout de suite « Est-ce que vous condamnez le Hamas ? Est-ce que vous condamnez le Hamas ?» Comme si ça venait d'exister, genre comme si c'était aujourd'hui, comme a dit la camarade, comme si ça avait commencé le 7 octobre, mais on oublie les 75 ans, en fait. On oublie toute la violence qu'ils subissent, on oublie les murs, on oublie le fait que les gens ils puissent pas retourner voir leur famille, le droit au retour, les expulsions, enfin bref, il y a tellement de choses. Ouais, et puis comme moi j'ai l'impression, c'est comme dit le camarade dans la deuxième partie du micro-trottoir aussi, que tout ce soutien du gouvernement français, en fait, à Israël, c'est évidemment parce que c'est sur l'histoire coloniale française que ça se joue, et l'histoire du coup du racisme et de l'islamophobie d'État, et que là c'est ce qui se passe aussi dans le contexte français en ce moment, que ça fait une espèce encore plus de légitimation à ce qu'il y ait énormément d'actes et de discours racistes et islamophobes en mode roue libre, et que j'ai l'impression que aussi aller dans ces manifs-là, c'est aussi pour dénoncer tout ça et s'y attaquer, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis aussi toute la fake news des médias, tout ce qui est en train de... Enfin, regardez, ce qu'il y a eu comme tag, les tags d'Étoile de David qui a été fait à Paris... On n'a même pas cherché à savoir qui c'était. On a tout de suite lancé une fake news. On a parlé d'antisémitisme couscous. On parle de que les musulmans ne sont pas compatibles avec la République, avant même de savoir qui a fait quoi, en fait. On parle d'agression antisémite. Bien sûr, il y en a, je nie pas du tout ça. Mais en fait, ça fait des généralités. On en vient à faire une marche avec le Front National qui est basé sur l'antisémitisme. On en vient à faire des choses, en fait... tout ça pour cautionner le racisme et la colonisation. Ouais, et qu'on est vraiment dans ce moment où c'est vraiment, je sais pas comment dire, criant de... Enfin, je sais pas, c'est vraiment super. C'est très très fort et un peu comme aussi comme, bah, je sais pas, comme vous disiez là, de... que ça peut donner un peu des putains de sentiments de solitude et de... Mmh. Hop, et que du coup d'aller aux manifs, d'alimenter cette résistance, c'est des manières de se tenir ensemble et fort et tout ça, quoi. On va s'écouter une autre camarade, micro, petit micro trottoir, le deuxième, pour voir ce qu'ils disent. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! À la fois ça met en colère et à la fois bah du coup c'est pas étonnant parce que comme tu dis c'est pas quelque chose d'isolé et ça va avec un contexte international qui est celui de la montée du fascisme. Et la France c'est pas le seul pays où il y a des interdictions, il y a toujours des pays où l'utilisation même du drapeau palestinien est interdite. Du coup il y a le symbole de la pastèque qui se développe un peu pour contourner cette interdiction. Et puis il y a plein d'États aujourd'hui ouvertement fascistes qui dont le soutien à la colonisation israélienne est inconditionnel, comme ils disent, et a commencé par la France, en fait. Quand il y a eu un vote au Conseil de sécurité de l'ONU pour juste arrêter le génocide, l'État français a voté contre l'arrêt du génocide, aux côtés du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis. En fait, c'est une complicité active avec ce qui est en train de se passer. Et non, c'est pas étonnant, du coup, que le gouvernement Macron il soit... dans la répression, parce qu'il l'est depuis le départ, il l'est depuis des années, et ça fait que s'amplifier. Et qu'à l'international, ses meilleurs alliés, ce soit bah, le président indien Narendra Modi, ce soit Netanyahou, c'est pas étonnant en fait. Et qu'est-ce que tu fais finir et continuer de venir au manif ou de faire autre forme de militer? Parce que si on ne le fait pas, ce sera pire. Parce que aujourd'hui, c'est chiant, mais on est là. Et si on n'avait pas été là depuis des années, et si on continuait pas encore aujourd'hui, tous les jours, à tenir le terrain avec nos actions, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, à empêcher ou à ralentir cette montée du fascisme, ce serait encore pire. Et aujourd'hui, on ne pourrait même pas passer à la radio. Aujourd'hui, on ne pourrait même pas se réunir en manifestation. Aujourd'hui, on ne pourrait même pas avoir une voix qui soit la nôtre. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Bon, c'était le deuxième micro trottoir et trottoir, ouais, c'est ça. Bon, on s'en fout. Avant d'écouter celle d'après, on va s'écouter une petite musique que je sais même pas si c'est, j'imagine, c'est quand même connu, j'ai découvert comme ça dans les grands mondes de l'internet, que ça s'appelle Dame et c'est une Le groupe palestinien pionnier Dame a été présent depuis le début des années 2000. Venant de la ville de Lod, le groupe, avec dans sa configuration originelle Tamer Nafar, Souey Nafar et Mohamed Jer, rappe sur la pauvreté, le racisme et la discrimination auxquels sont confrontés les citoyens palestiniens d'Israël. Dans un de leurs premiers morceaux, Min Arabi, qui est le terroriste, ils abordent les nombreux problèmes auxquels les Palestiniens doivent faire face en disant « Qui est le terroriste ?»« Je suis le terroriste. Comment est-ce que je peux être le terroriste quand vous avez pris mon pays ?» Alors, on va s'écouter ce petit morceau avant de continuer notre petite mission. 50 years of assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth, and have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment, threat of violence, humiliation, been that way for a long, long time. Mean and happy, إرهابي مين إرهابي أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي مين إرهابي أنت إرهابي ماكلني وأنا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت إجدادي أجل القانون عالفاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهاية بلادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية ديمقراطية والله انكم نسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديت إرهابية يعني ضربتني وبكيت سبقني واشتكيت لما ذكرتك انك بدين نطيت وحكيت ما انتوا بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش أهل يدبوهم بالدار ايش كنه نسيت انه استحق ضب الأهل تحت الحجار وهلا لما وجع الفار بتناديني إرهابي مين إرهابي أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش في بلادي مين إرهابي أنت إرهابي ماكلني وأنا عايش في بلادي ليش إرهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وأرض بلادي قتلوا حبايبي أنا لحالي أهلي تشردوا راح أضلي أنادي أنا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يقضي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمة بشد ورا همة بيكون زلمة تعملوا منه رمة ومين انتو لسه امتى خبرتو اتصلوا قديش قتلتو وقديش قتمتو امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا انا بقولكم مين انتو انتو خبرتو بدلا احنا خبرنا فقر مين كبر في وسع ومين كبر في جحر صار في داعي عملتو منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي امتى ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خد التاني كيف تتوقع مني اشكر الاذاني تعرف ايش انت قولي كيف دكياني راكع ركبي وايدي مربطات عيون بالارض وجثث ذات تات بيوت مهدومه عائلات مشردات اطفال يتيمه حريه كلبشات انت عمر انت قطر احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنستر اهم شيء انك تحس بامان تريح وسيب لنا الالام ما هو دمنا دمك لا حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دمي غالي راح ادافع حالي لو تناديني ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي انت ارهابي شوف الشجرة شوف مش حرام فلسطين اكزيس فلسطين غزيس et de la mer au Jourdain Palestine existe Palestine résiste Qu'est-ce que ça te fait, les répressions, les interdictions des actions du soutien et la solidarité avec la Palestine du côté de l'État français? Et est-ce que tu les mets en lien avec une montée du fascisme en général? Ça, ben les interdictions, évidemment, ça me désespère. La France, on est un des rares pays. Enfin, on a des images des manifestations à Londres, de manifestations dans diverses capitales européennes et ailleurs. En France, effectivement, de nombreuses manifestations ont été interdites par les préfectures. C'est une attaque inadmissible au droit constitutionnel de manifester. Et ça montre clairement que le gouvernement il souhaite limiter la parole des gens qui souhaitent s'investir dans le soutien au peuple palestinien. Donc effectivement, ça me révulse. On est là, on essaye d'être présent. Et puis voilà, je considère qu'on n'est pas dans un pays fasciste encore, même si il y a une dérive, je trouve, une dérive autoritaire du régime Macron qui est de plus en plus forte. Ça s'exprime notamment par la répression des diverses manifestations qu'on a connues, hein, que ce soit les gilets jaunes, pour les retraites, etc., avec des interventions très très musclées des forces de l'ordre. Et effectivement, c'est une dérive inquiétante. Je relis ça aussi avec les nombreux 49.3 qui sont utilisés à l'Assemblée nationale et qui court-circuitent complètement le travail de nos parlementaires. Donc effectivement, dérive fasciste, non, on n'en est pas là. Comme je le disais au départ, les mots ont un sens, mais dérive autoritaire, oui, certainement. Daniel, dernière question. Et qu'est-ce que te fait tenir et continuer de venir aux manifs ou sur d'autres formes de militer? Je sais pas si t'en... Ce qui me fait tenir, c'est une soif de justice. Il y a un peuple, alors ici c'est pour la Palestine, hein, c'est un peuple qui est opprimé, qui est colonisé depuis 75 ans. C'est pas une guerre entre Israël et la Palestine, c'est une guerre coloniale. Ce sont des colons qui sont installés sur des terres malgré toutes les résolutions de l'ONU. Donc je suis là, moi, essentiellement, dans un premier temps, très court terme, pour un cessez-le-feu, pour que la guerre s'arrête, mais aussi à plus long terme, pour que enfin Israël accepte d'appliquer les résolutions de l'ONU. Le droit international, si on ne veut pas vivre dans une jungle au niveau de la planète, c'est d'appliquer les résolutions de l'ONU. Et bien qu'Israël applique les résolutions de l'ONU et se retire des terres colonisées. Et, on remercie aussi le camarade d'avoir pris le temps de répondre au micro-trottoir. Et on avait envie un peu de réagir aussi suite à ce micro-trottoir. Et notamment, comme ce même camarade a dit, les mots sont importants. Et on voulait déjà rebondir sur le fait qu'il utilise le mot jungle à une fin péjorative. Et que c'est une utilisation raciste. Et que du coup, le français, c'est une langue coloniale. Et que du coup, c'est pas OK d'utiliser le mot jungle là, dans ce contexte-là, et qu'il y a d'autres manières, si on veut exprimer ça, on peut utiliser d'autres mots. Et aussi, j'ai l'impression que le camarade, il exprime pas mal de trucs, et aussi, quand on en a discuté, là, qu'on s'est écouté le micro-trottoir et qu'on fabriquait un petit peu notre émission, je pense qu'on a rebondi sur pas mal de trucs, sur que c'est... je sais pas, on peut commencer par... On a notamment discuté de ce qu'il raconte par rapport à l'ONU, et je trouvais ça intéressant un peu de s'en dire deux trois trucs, parce que je trouve que c'est aussi une pensée qui est souvent exprimée, de dire ça serait important, ça irait beaucoup mieux s'il faut appliquer les résolutions de l'ONU, mais je sais pas si vous voulez réagir ou si je continue. Les résolutions de l'ONU, ok, d'accord, mais comment en fait? Parce que c'est toujours la même question quand on pose la question, c'est comment? On va me dire oui, mais je suis pour la paix, mais si on regarde une carte de la Palestine et qu'on sait où se trouve la Cisjordanie et où se trouve Gaza, entre il y a Israël, et en fait, on n'a jamais vu un pays avec deux petits morceaux qui sont séparés par des murs, qui sont séparés par des checkpoints, qui sont séparés par un autre État, en fait. On peut pas circuler librement, en fait, c'est ça qu'on comprend pas. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la Palestine, ça soit... ou l'Israël, enfin le pays qui sera décidé, il soit géré, autogéré, et que c'est au peuple qui y habite de choisir la manière qu'ils veulent, en fait. Et c'est pas à nous, occidentaux, de leur dire quoi faire. Et l'ONU, elle est très mal placée. Bon, après, on va pas rentrer dans les conflits de l'ONU, mais elle est très mal placée pour donner des directives, en fait. Et nous, ce qu'on veut, déjà, c'est que les murs tombent, et qu'on laisse les gens circuler correctement. En fait, on est contre les frontières ici, donc on est contre les murs. Ouais, c'est ça. Et puis c'était un peu comme tu disais sur la prépa, c'est l'ONU a jamais été pour l'autodétermination des peuples, alors que c'est ça que nous on défend quand même, quoi. Tout à fait. Et j'ai l'impression Et c'est ce que dit le slogan de la mer au Jourdain, la Palestine sera libre. Et oui, et d'ailleurs, ça, j'ai l'impression que c'est vu comme problématique d'utiliser cette phrase-là. En tout cas, qu'il y a des gens qui veulent pas que ça soit utilisé, quoi. Et que du coup, c'est que j'ai l'impression que c'est une référence au fait que ce qu'il faudrait, ça serait la solution à deux États. Pardon, là, je suis peut-être vraiment plus très clair, mais c'était juste pour faire un peu d'explication sur, cette phrase-là, c'est aussi... Ouais, en fait, exactement, c'est que vu que le Jourdain et la mer s'y séparent et que ça fait un peu référence aux deux États, l'État palestinien qui est coupé, Israël et certaines personnes... dont Elon Musk et compagnie, là, et comment il s'appelle le mec de Twitter? Elon Musk. Ah, c'est Elon Musk, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, c'est bien ça. Hein. Bah, du coup, ils interdisent la phrase en anglais « From the river to the sea, Palestine will be free » parce que pour eux, c'est une phrase de terroriste associée au Hamas, parce que pour eux, c'est assimilé au fait qu'on veuille qu'Israël disparaisse et en fait que les Juifs d'Israël disparaissent. Et en fait, c'est pas ça que les Palestiniens disent. Les Palestiniens disent « On veut juste avoir la liberté de circuler, mais ceux qui sont déjà sur la terre, en fait, on ne veut pas qu'ils partent. C'est pas, on ne demande pas de sacrifier un peuple pour un autre peuple, en fait. C'est que les gens qui sont là restent là, en fait. C'est ça qu'on prône. C'est pas séparer ou expulser telle catégorie ou telle catégorie. C'est pas une guerre de religion, c'est pas une guerre de... C'est une guerre coloniale. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la colonisation cesse. La colonisation cesse, c'est-à-dire que tout le monde est égaux. Il n'y a pas de régime d'apartheid, il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de quelqu'un est supérieur par rapport à sa religion, que ce soit un musulman, un juif, un athée, un chrétien. Tout le monde est égaux. Et en fait, cette phrase, elle veut juste dire ça. Elle veut juste dire on veut tous vivre librement dans cette terre. Et circuler librement. Et qu'il n'y ait pas ces putains de murs, quoi. Exactement. Mais moi, j'ai l'impression que cette histoire de solution à deux États et tout, elle convient aux personnes qui sont arrivées dans la lutte pour le peuple palestinien assez récemment. En fait, je pense vraiment que la lutte palestinienne, elle gagne des convaincus en ce moment parce que, en fait, c'est trop visible ce qui se passe, à quel point c'est horrible. Et du coup, quand tu as l'impression que le mois d'octobre, c'est la première fois qu'il se passe quelque chose là-bas, bah forcément... je suis en train de me perdre, mais c'est pas grave, ça va aller. Bah forcément, tu connais pas l'histoire et tout ce qui s'est passé avant. T'as pas ce truc de... Enfin, en vrai, cette année, elle a été horrible pour les Palestiniens. Je crois que depuis janvier, c'est le nombre le plus impressionnant de morts qu'il y a eu en Palestine sur une année déjà. Et c'est compliqué, quoi. Mais c'est une bonne nouvelle dans le sens où on a des nouvelles personnes avec qui on va pouvoir lutter, mais on n'a pas les mêmes degrés de connaissances ou de... Enfin, pas de connaissances forcément, mais en tout cas... Ouais, mais c'est sûr que... D'intention, pardon. Ah non, c'est moi qui... et oui, moi j'ai l'impression que ça fait aussi tout cet enjeu-là, là, de faire beaucoup aussi de... Comment dire, un peu de formation politique et historique, en fait, sur les histoires, comment penser les choses et tout ça. Parce qu'il y a aussi plein de méconnaissances ou de refus, des fois, de se positionner à des endroits, alors qu'en fait, t'as envie de dire, si t'es vraiment sur une lutte décoloniale, faut bien les nommer les choses, quoi. Oui, je pense aussi. Et... C'est compliqué. Non, mais en fait, on a toujours été éduqués, et comme a dit Florian, on a éduqué depuis des années à dire « Ah, mais la Palestine et Israël, c'est trop compliqué. » En fait, c'est exactement le mot qu'on ressort à chaque fois. Quand tu regardes n'importe quelle série, n'importe quel film, n'importe quel truc mainstream, dès qu'on parle de Israël-Palestine, la seule réponse est « Ouais, mais c'est trop compliqué. On va pas parler de ça, c'est trop compliqué. » Mais en fait, c'est pas compliqué du tout. Il suffit juste d'avoir deux notions d'histoire, de voir pourquoi les Anglais, comment est né le sionisme. Et bien ça, c'est très facile à comprendre, en fait. Et c'est ça qu'il faut déconstruire, et c'est ça que les jeunes aussi... Moi, je suis une pro-TikTok, je suis une fan de TikTok. Est-ce que les jeunes... Moi, même les jeunes, ils m'apprennent des trucs, tu vois. Et ils sont à fond dessus, ils regardent des documentaires, ils regardent sur Google, ils essayent de retracer le truc, essayent de vulgariser la chose et comprendre qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à déconstruire, en fait, dans cette lutte. Déjà, rien que pour la plupart des gens, c'est presque une guerre de religion. Et rien qu'en partant de là, je trouve qu'il y a plein de gens qui vont pas se positionner. Et du coup, c'est super important de revenir sur les bases du « en fait, c'est du colonialisme ». Et ça n'a rien à voir avec la religion, mais ça arrange bien, en fait, les médias occidentaux, les racistes, les sionistes, de faire croire que la lutte et les pro-palestiniens, ils sont antisémites, etc., quoi. Mais je trouve que c'est aussi c'est pas du tout pour une... Je voulais seulement rajouter, parce que comme par exemple, moi je suis grandie en Allemagne, où j'ai presque tout ma vie vécu là-bas, c'est aussi des trucs comment, par exemple, dépendant d'où tu viens, où tu es, comment tu apprends l'histoire, et qu'est-ce qu'on t'aimait comme... Je vais dire, quand je suis arrivée en France, c'est la première fois où j'étais dans le truc de BDS, sinon... Je veux dire, dans la rue en Allemagne, mais laisse tomber, c'était vraiment pas possible, ou c'est vraiment comme un autre délire, et tout de suite, ces trucs, oui, c'est égal avec être antisémite. Et pas pour dire que je trouve ça cool, mais même dans ma tête, que les premières fois là, quand j'étais là, waouh, ça marche ici, dans le lieu, il y a des cris, des trucs comme ça. C'est vraiment même plein de camarades militantes de gauche qui. Bon, il y a toute une autre histoire, on a déjà dit on pourrait faire une émission sur les anti-Deutsch. Mais je trouve que c'est aussi vraiment les trucs... c'est pas pour dire c'est compliqué ou pas, mais je trouve que c'est aussi... Il y a vraiment plein de manières, facettes... oui. Qu'est-ce qu'on t'a mis dans la tête, quoi. Le déconstruire. Oui. À des moments, ça prend un peu du temps. Je crois qu'en vrai, c'est même pas un sujet à déconstruire, mais c'est plus à décortiquer, parce que vraiment, dans cette lutte-là, il y a énormément de problématiques et de trucs assez tabous chez nous. Et d'ailleurs, pour dire aussi qu'à Saint-Étienne, ça fait des années que le collectif BDS, il fait plein de taf sur ces questions-là et qu'ils font des formations régulièrement à Saint-Étienne et qu'il y a carrément moyen d'y aller si... aussi. Oui, c'est clair. Mais même, tu vois, si tu fais parallèle avec des collectifs, tu as le collectif Tzedek qui vient d'être fait il n'y a pas très longtemps, qui est un collectif de personnes juives pratiquantes et qui, justement, font un travail décolonial de fou. Parce qu'en fait, aussi, ça fait du bien de voir des personnes juives croyantes qui vont dire, voilà, mais là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, tu vois. Et en tant que personne... Et cette lutte aussi, ce qui se passe là en ce moment, c'est un lien. Il y a une éducation qui est en train de se faire en un mois qu'on n'a pas pu faire en 10 ans, en fait. Parce que les images, elles sont tellement choquantes que la prise de conscience, ça ne nous prend pas, tu vois. Elle nous tape, en fait. Même si on était tous des militants de gauche, tous des militantes de gauche, il y a quand même des choses qu'on ne maîtrisait pas forcément. Et là, il y a tout qui est plus ou moins révélé avec les réseaux sociaux, avec les gens qui parlent, les gens qui essaient de déconstruire tout ce qui se passe. Et ça fait du bien en même temps, même si on est vraiment horrifié par ce qui se passe. D'ailleurs, je regarde un peu le temps. On pourrait s'écouter le dernier micro-tortoir avant de continuer. Alors, les répressions, les interdictions, ce que ça me fait, c'est que ça m'étonne pas, parce que c'est l'air qu'on respire depuis des décennies déjà, parce que nous sommes en Occident, l'Occident hégémonique, pouvoir blanc, pouvoir de domination, pouvoir colonial, c'est exactement ce qu'on retrouve dans les réactions, non seulement de nos gouvernements, de l'Europe, mais d'une grosse partie des médias. Ça ne m'étonne pas du tout. Ça n'empêche pas que ça me fait mal au bide, parce que au-delà de l'horreur qui existe, qui se fait, qui se passe depuis le 7 octobre, mais c'est pas que depuis le 7 octobre, on dirait qu'une partie de la population en France découvre la question israélienne, la question palestinienne, le problème des droits humains qui depuis 75 ans sont complètement niés. L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Et ça, si on l'ignore, si on ne veut pas le savoir, si les médias ne sont pas intéressés, c'est parce que les politiques ne veulent rien savoir ou savent, mais de toute façon cautionnent. Là, c'est l'éclatement de cette logique-là. C'est la mise à jour de cette logique. Donc, il n'y a rien d'étonnant, je ne suis pas étonnée. Ça me fait quand même mal au bide. Voilà. Parce que les interdictions, c'est la suite logique de tout ce qui s'est passé dans les années qui ont précédé là, ici en France, la posture de l'État face aux Gilets jaunes, la posture de l'État face aux manifestations qui s'indignaient contre le pass et toute la politique de répression autour du Covid, qui n'était qu'un prétexte pour tenter de voir comment le peuple français pouvait obéir et s'aligner. Et là, on est dans des crans supplémentaires. On est vraiment dans des crans supplémentaires. Je ne suis pas du tout étonnée. On respire cet air-là depuis un moment et il faudrait que les peuples se réveillent. Il aurait fallu qu'on soit beaucoup plus nombreux ce matin, par exemple. Boycott Carrefour! Boycott Lacto! Du coup, suite à cette prise de suite à ce micro-trottoir, on voulait juste revenir sur le fait que la dernière grosse répression qui est arrivée, c'était les révoltes suite à la mort de Naël, et que la répression, même pendant le pass et le Covid, elle a été très violente dans les cités et qu'on n'oublie pas. Et avant de continuer sur un autre petit bout de discussion entre nous, on avait quand même envie encore de s'écouter une musique. On va s'écouter Shirin. Shirin Abdelwahab, et c'est Kalamara. لما يميل قلبنا ويا يميل تفضح عيوني وعمري كله une très belle musique d'amour dédiée à tous les Palestiniens et toutes les Palestiniennes. Et non, t'es bien. Et on avait envie de dire un petit mot aussi sur le boycott. Et surtout pour dire, eh ben, le boycott, ça marche. Alors go, go, go, on continue, on multiplie les actions. Tout à fait. Là, il y a une grande campagne de boycott lancée par BDS et par d'autres personnes qui ont noyé le, enfin, qui ont rajouté des choses. Alors, enfin, BDS, c'est un mouvement qui vient de Palestine et qui cible certaines marques pour pouvoir faire pression en fait en boycottant. Du coup, il y a AXA, HP, Carrefour, les fruits et légumes venant des colonies. Et du coup, c'est ajouté à ça McDo, Starbucks et Disney. Parce que McDo a distribué des repas après les bombardements, en fait, il distribuait des repas à Tsahal. Starbucks, pareil. Et du coup, la jeunesse et un peu le monde entier a lancé un appel et ça a marché puisque en quelques semaines, les actions McDo et les actions Starbucks ont chuté en bourse. Et du coup, maintenant, McDo a fait un petit communiqué en disant « Ce n'est pas nous, c'est une franchise, vous pouvez revenir. » Et voilà, et du coup, ça marche et il ne faut pas lâcher. Carrément. On a aussi envie de lire un petit extrait d'un texte de revendication des cuirs palestiniens qu'on va vous lire. Ouais, c'est ça. Et puis dire qu'on avait... parce qu'on aurait pu lire plein de textes et différents, tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait du sens déjà de lire des textes écrits par des Palestiniens et des Palestiniennes en ce moment pour voir un peu ce que les personnes ont à raconter dans toute cette merde médiatique. Et là, on a choisi un texte écrit par des queers palestiniens et palestiniennes parce que c'est important, la lutte queer, et c'est ce qu'on porte aussi à comme un ouragan, et aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'instrumentalisation des queers dans le monde pour justifier des trucs dégueulasses. Et voilà, et qu'on trouvait que les camarades ont... on envoie tout notre soutien à eux et on les remercie pour avoir écrit ce texte-là et on va le lire. Et pourtant, la société israélienne continue d'instrumentaliser la queerness pour justifier la guerre et la répression coloniale, comme si leurs bombes, leurs murs d'apartheid, leurs armes, leurs couteaux et leurs bulldozers choisissaient leurs victimes en fonction de leur sexualité et de leur genre. Nous refusons l'instrumentalisation de notre identité queer, de nos corps, ainsi que la violence à laquelle nous faisons face en tant que personnes queer, afin de diaboliser et déshumaniser nos communautés, surtout lorsque ceux-ci sont mis au service d'actes impériaux et génocidaires. Nous refusons que la sexualité palestinienne et les attitudes palestiniennes vis-à-vis de corps diversifiés deviennent des paramètres pour assigner ou non une humanité à une société colonisée. Nous méritons la vie, car nous sommes humains, dans la multitude de nos imperfections, et non de par notre proximité ou non avec les modes coloniaux d'humanité libérale. Nous refusons les tactiques coloniales et impérialistes qui visent à nous aliéner de notre société et d'aliéner notre société à notre égard, sur la base de nos vécus queer. Nous combattons des systèmes d'oppression qui sont interconnectés, qui incluent le patriarcat et le capitalisme. Et nos rêves d'autonomie, de communauté et de libération sont intrinsèquement liés à notre désir d'autodétermination. Il n'y a aucune libération queer qui puisse être acquise par la colonisation. Et aucune solidarité queer ne peut être favorisée si elle est aveugle aux structures racialisées, capitaliste, fasciste et impérial qui nous domine. Et pour dire, c'est un texte qui est extrait d'un... Enfin, c'est un extrait d'un texte qui est beaucoup plus long. Et je ne me rappelle plus où on peut le trouver. On peut le trouver sur l'Insta du compte Le Coin des LGBT, ça a été traduit de l'anglais au français. Mais après, on peut le trouver en anglais, on peut le trouver un peu dans toutes les langues. Ouais, il y a aussi un blog qui s'appelle Queer in Palestine, je crois. Oui, Queer of Palestine. Ouais. Ouais, où le texte, il est en plusieurs langues, pour le coup. Enfin, plein de langues. Et on va arriver tout doucement quand même vers la fin de cette émission. Et avant de finir, on voulait continuer à parler de moments de mobilisation et de lutte aussi. Il y a une manif aussi samedi 25. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Oui, samedi 25 novembre, place Fourneyron à 14h30. Et le mot d'ordre, c'est féministe et queer contre les violences coloniales, contre les récupérations politiques. Nous refusons que les luttes féministes et les droits des personnes LGBTQIA+ soient utilisés pour justifier un génocide et nourrir l'islamophobie et le racisme en France. Donc du coup, soyons nombreux et nombreuses samedi. Et aussi, on avait envie de parler du Tidore, parce que hier, c'était le 20 novembre, le jour du souvenir de la revanche trans. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je pense que ce serait bizarre de finir cette émission sans parler de... Enfin, sans nommer que hier, c'était le jour du souvenir trans, et que, évidemment, c'était hier, mais c'est encore aussi dans nos têtes aujourd'hui, et que, nous, évidemment, aujourd'hui, on pense beaucoup à Rose, notre amie qui a disparu cette année, mais aussi à nos Asté et à toutes les autres. Voilà. Et moi, je voulais aussi annoncer un petit truc. Alors, c'est dommage parce que c'est en même temps que la manif samedi. Mais je pense à un atelier qui est prévu depuis longtemps, mais il y a les camarades de Fléau Social, du coup, qui est une compagnie de théâtre queer dont on avait... Je pense qu'on avait déjà parlé dans Comme un ouragan de leur spectacle L'homosexualité, ce douloureux problème, qui propose deux journées d'atelier théâtre pour les personnes queer ce week-end à Santé. Du coup, faut s'inscrire à la journée. C'est samedi et dimanche. Et c'est pas cher, en tout cas pour les personnes précaires. Je crois que c'est 5€ la journée. Et voilà, et il reste des places. Du coup, si vous avez envie de vous inscrire, c'est encore possible. Pour s'inscrire, il faut appeler ou envoyer un mail à la Comète, parce que ça se passera à la Comète. Voilà. Et c'est pour notamment aussi bosser sur leur nouveau spectacle qui va surtout causer de questions trans. Voilà. Avant la fin, parce que finalement, c'est la fin de notre émission. On va s'écouter aussi une dernière chanson. Mais bon, avant, on va vous dire bye bye, ciao, ciao. Mais... Et on se retrouve dans 4 semaines. Ça sera donc, puisque là, on est toujours sur Radio Dio 89.5, et que c'est comme un ouragan, et qu'il est 22h09. Et que voilà, et que du coup, on se retrouvera toutes les 4 semaines et en podcast sur Dio et Radio Rageuse. Ouais. Et voilà, c'est trop bien d'avoir fait cette première émission. Tous ensemble, voilà. Juste un petit mot sur la musique avant de nous quitter. La musique, c'est Jinalik Ya Falestine de Mohamed Assaf. Mohamed Assaf, il a un parcours assez particulier. C'est un Palestinien il y a un film sur sa vie qui s'appelle Le Chanteur de Gaza. Et il a fraudé. Il s'est échappé en Égypte pour pouvoir faire l'émission, une émission équivalente à The Voice, c'est Arab Idol, et il a gagné le concours. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et c'est un chanteur qui est vraiment important pour la cause palestinienne. C'est lui qui chante Dami Falestini. Et c'est important de lui rendre hommage aussi, parce que ce qu'il vit en ce moment, c'est assez difficile. Donc voilà, pensez à lui. مساك بالخير يا سامع أغانينا يوم نغني للوطن تهب أشواق في اشرب يا طير.